Édition Cosmos présente. DJ Mourad, DJ Mourad. Sans oublier DJ Dila, DJ Dila. Faisal. Aya. Kowalowski. Salah Sahbi, bizaf, bizaf. Je l'aime à la fin. Moi, il est smer, ouais, loup, goulou, gars, hé, hé, hé, hé.